pas chinois, waouh. Moi je parle pas chinois, on pose des chèques chez moi, waouh. Moi je parle pas chinois, moi je parle pas chinois, waouh. Moi je parle pas chinois, on pose des chèques chez moi, waouh. Tu m'aimes pas, je suis ravi. En zone d'air, les chutes, la vie. En BM, je navigue. Tu veux la top, baisse la vitre. Tu m'envies, nique ta gramme, tu veux être crocodile. Le petit sous popodile, se verrer sous les cocotiers. Dis pas de bêtises, j'mets pas de Gucci. Mon bâtir bête est plein de boutites. J'fais jamais le fou, j'fais jamais le fort. J'mets personne dans la merde, mais tout le monde dans la mort. Ouais, tout le monde aimerait que je coule. Pour aller en finale, faut prouver dans les poules. Boule chargée, faut pas que j'vois ça. M'fais des gros sourires, la zine. J'ai une team en or, qu'est-ce que tu crois, toi? Val qui fait le signe, joule sur Boissy. J'fais pas tour de magie, tout le monde me dit. J'aurais dégusté à ton âge, gros lager. 200 sans coffret, j'suis dans le crèche pour y déménager. Oui, oui, oui, tu parles de mi, je crois que je sais pas. Et quand je t'ai vu, t'as bégayé, bégayé, bégayé. OBDH, OBDG, tu fais que flécher, tu vas te faire pécher. Faut pas lécher, même quand c'est rêche. Ouais, ouais, t'as promis, wow, au final, wow. J'ai rien vu, moi. Mais de toute façon, j'ai l'habitude, ouais. Je vais finir par me faire des films, ouais. Tu prends de manière quand ça parle de thunes. Moi je parle pas chinois, moi je parle pas chinois, waouh. Moi je parle pas chinois, je compose des chèques chez moi, waouh. Moi je parle pas chinois, moi je parle pas chinois, waouh. Moi je parle pas chinois, je compose des chèques chez moi. J'ai pris une Rolex, mais jamais, je trouve que mes habits ne vont pas avec. Et dans la féfé, tu suis jabé, je conduisais, j'étais rabot, je suis pas à la fête, c'est pas ma faute, je suis sur la côte, je fais que des sons, la vie me fait que des signes. Beaucoup déçu, le petit tiré vers le haut, ça se monte dessus. La photo et le bisou sur la bouche, et me voir faire la douche, mais j'ai ma beauté que j'ai mis sur le côté. Donc toi, sur la touche, j'ai rien à cacher. Au fait, faut que vous sachiez, contre le trait de Fundo, je suis pas fâché. J'ai pris du recul, réfléchi, et mes mots, j'ai pas mâché. Tout seul 4x4 Mercedes, on fait 10 fois le tour du vieux port. Faut que je fasse les pecs et les trapèzes. J'vais pas finir avec un vieux corps. Waouh, ouais, ouais, t'as promis, et au final, j'ai rien vu, moi. Mais de toute façon, j'ai l'habitude, ouais. J'vais finir par me faire des films, moi. Tu peux de manière quand ça parle de thunes. Moi j'parle pas chinois, moi j'parle pas chinois, waouh. Moi j'parle pas chinois, j'compose des chèques chez moi, waouh. Moi j'parle pas chinois, moi j'parle pas chinois, waouh. Moi j'parle pas chinois, j'compose des chèques chez moi.